Sans avoir la fringale, comme au Brésil. Libre d'être un gars au regard hostile de ceux qui s'égarent, cousine. Libre d'être calme, sans doute vivre pour le contact. Libre, l'antidote de la vie, c'est combat. La mixture de la vigne fait des victimes. J'ai des crampes larges, m'accroche des livres mat. Griffes, pas d'autographe. À l'air libre, je bouffe grâce à l'ivresse. De nos jours, c'est grave d'être libre dans ce business. Faut être libre d'être jeune, faire des prouesses pour le fun. Abattre le stress, les coupables, stesse, le coup bas, blesse, tout bas, pro black, libre. Tja, blesse et quelques lignes. La musique, le fit, la fibre des filles, comme Tessie. Miss, c'est avec plaisir que t'inviterais être libre. Rugissons sur ce titre, libre. Libre, libre, libre.